C'était les qualifications de passer à la vitesse sur courte-piste à Montréal en fin de semaine. Et on va parler avec Marianne Saint-Gelais qui a survolé vraiment la compétition en fin de semaine. Salut Marianne! Marianne, t'as passé un bel été au départ? Salut. Oui. J'ai passé un très bel été. OK, t'es venu dans le coin pas mal ou? Cette année, on avait un format qui était différent. Donc, on faisait 3 semaines d'entraînement pour 1 semaine de repos. Donc, j'ai eu 3 semaines de vacances en tout dans mon été. Fait que j'ai quasiment passé 2 semaines dans la Ben oui, effectivement. 6 en 6, est-ce que tu t'attendais vraiment à ça? C'était pas un objectif. En fait, comment je peux l'expliquer? Oui, je voulais que ça arrive, mais en même temps, c'était pas quelque chose sur lequel je me basais dans le temps. Okay. Je voulais absolument que ça arrive. Avant la compétition, j'avais parlé avec Frédéric, fait que je savais à quoi m'en tenir. Je savais que j'avais des jambes. Je savais que avec la forme que j'avais, je pouvais remporter les six épreuves. Mais le but de tout ça était de me qualifier pour les Coupes du Monde parce que le travail se fait à l'international et non au niveau national. Et aussi de pratiquer des choses. Ça veut dire que moi, avec cette sélection-là, j'étais encore en apprentissage puis j'étais encore un peu en entraînement. Tu sais. Fait que, oui, mon but était toujours de gagner mes courses. Fait que forcément, en voulant gagner, j'allais gagner les 6 épreuves. Mais ça n'a jamais été un objectif avant de partir. Tu sais. Okay, alors, okay. Je veux gagner. Comment on fait pour se motiver? C'est sûr que tu étais motivé en fin de semaine, tu as gagné les 6. Fait qu'il fallait que tu sois motivé par la force des choses. Mais comment on fait pour se motiver quand on sait que, de toute façon, on va être choisi par l'équipe canadienne? C'est d'améliorer quoi? C'est d'améliorer tes choses? Ben en fait, c'est ça qui arrive. C'est que moi, je suis pas quelqu'un qui pense comme ça. Moi, j'ai toujours l'impression que mon équipe ne va pas forcément me choisir. Tu sais. Oui, je suis une vétérane, puis oui, j'ai des choses à... J'ai une expérience, mais il reste que, justement, moi, j'ai l'impression que plus tu vieillis dans le sport, puis moins tu fais tes preuves, ben plus c'est facile de te laisser de côté. Tu sais. Fait que moi, je suis vraiment quelqu'un qui comprend... En fait, la façon de me motiver, c'est justement, c'est qu'il y en a qui poussent en dessous. Fait que si tu veux pas perdre ta place, il faut que tu travailles, puis il y a rien d'acquis dans la vie. Tu sais. Fait que c'était très facile de me motiver. Comme je te disais, oui, je sentais que la forme était peut-être plus là que certains athlètes. Fait que c'est certain que j'avais une certaine confiance par rapport à ça. Mais en même temps, je pratiquais des choses. Avec Frédéric, on avait établi un plan. Fait que c'était pas seulement faire des cours pour faire des cours. J'avais des plans dans mes cours. J'avais des stratégies. J'avais de la tactique à faire. Des dépassements aussi dans lesquels je suis moins habile, que je suis moins confortable. Fait qu'on essaie de mettre en place tout ça dans la même optique, en bout de ligne, qui est de remporter les courses puis de gagner. Si on parlait sur quoi tu devais pratiquer, sur quoi tu disais que tu pratiquais? Ben, les aspects tactiques, c'est vraiment tactique, ma lacune, là. Quand on parle de tactique, c'est soit qualité de mes dépassements, bien prendre ma place dans un peloton, bien réagir quand il y a de l'action. C'est des choses que j'ai pas été habituée de faire dans le passé, puis que maintenant, le sport a tellement évolué de ce côté-là qu'il faut absolument que je peaufine ces aspects-là. Puis avant de le faire au niveau international avec des filles qui ont plus d'expérience, ben je me dois de le pratiquer avec des filles au niveau canadien. T'sais. Fait que ça a vraiment été ça. Fait que c'était beaucoup là rentrer dans une course, voir une situation, puis là me rendre compte que ok, finalement le dépassement que je suis en train de faire à l'extérieur fonctionne pas. Ben maintenant il faut tout de suite que j'ajuste mon tir pour pas perdre d'énergie, puis pas non plus sur un plan qui va pas fonctionner. T'sais. Fait que m'ajuster pendant mes courses, voir aussi les ouvertures, être plus attentif aussi quand justement je suis dans un 1000 mètres et ça bouge pas trop au début. Fait que ça a vraiment été ça. Ça a été d'ajuster un petit peu mes cette semaine ou cette année plutôt, il va y avoir une place à Toronto. Il va y avoir une Coupe du Monde à Toronto. Ça va faire un peu bizarre. Hein? Toronto, me semble que c'est pas le château fort. C'est Montréal et Calgary, souvent, du patinage de vitesse sur courte piste. Ça va faire un petit peu bizarre, non? Ben c'est pour ça qu'on lance le sport. C'est un petit peu une initiative de faire la Coupe du Monde à Toronto. Hein. C'est comme tu dis, Montréal, c'est connu. Les gens savent qu'à chaque année, il va y avoir une Coupe du Monde à Montréal. Donc oui, on a un bon bassin, on a des gens qui vont venir nous voir. Fait que c'est pour ça qu'on n'enlève pas cet événement-là, parce qu'on sait que c'est une belle fenêtre pour notre sport. Mais en même temps, si on veut faire connaître notre sport ailleurs, puis on veut que les gens connaissent le patinage de vitesse, on n'a pas le choix, il faut sortir aussi de notre zone de confort. C'est un peu ce qu'on avait fait il y a quelques années quand on est allé à Calgary. on sait que le long piste est beaucoup connu là-bas, mais on veut aussi faire connaître le courte piste. Donc, Toronto, c'est vraiment une nouvelle clientèle. Il n'y a pas de long piste, il n'y a pas de courte piste. Donc, on se lance là. C'est sûr qu'on, en tant que moi, patineuse, je ne sais pas à quoi m'attendre parce que j'ai jamais été patinée là-bas pour quelconque compétition. Mais en même temps, c'est notre crowd, c'est notre pays. On reste chez nous, pour nous, les Canadiens. Donc, on espère que les gens vont venir en grand nombre puis que ça va être où? Ça va être à l'endroit des Marlies de Toronto, quoi? Où va se faire les courses? Ouais, c'est au Mastercard Center, je pense que ça s'appelle. C'est vraiment un gros établissement où il y a quatre glaces dans le même bâtiment. Donc, L'équipe canadienne, ça va ressembler à quoi cette année? C'est sûr que tu n'as pas de nouvelles des autres formations, mais ça va être le retour de Marie-Ève Drolin cette année aussi, j'imagine. Marie-Ève se doit de faire les essais en janvier. Donc, oui, en ce moment, Marie-Ève commence tranquillement sur la glace avec nous, puis elle reprend la forme, puis elle est en gros entraînement intensif. Mais je pense que l'équipe va pas changer nécessairement dans le sens que on va avoir un beau mix entre vétérans et plus jeunes. Puis je pense que c'est encore une très bonne idée de faire ça dans le sens que les jeunes ont encore à apprendre, je pense, des plus vieilles. Puis c'est pas non plus une équipe qui j'ai pas l'impression qu'on est encore une équipe solide dans le sens que on n'a pas eu beaucoup de Coupe du Monde ensemble. On est des filles qui ont appris à travailler ensemble il y a quelques années, là, je veux dire, parce qu'on a fait un an de Coupe du Monde pour certaines filles ensemble, le reste pratiquement aucune. Fait que j'ai l'impression que là, le taux va se resserrer aussi, plus on va s'avancer vers les jeux. Mais il faut encore se donner du temps, il faut encore se donner de l'expérience ensemble, il faut apprendre à travailler, il faut se faire confiance aussi. Fait que c'est un gros travail encore qu'on va faire cette année. Puis je pense que c'est encore le moment. Okay. Encore une bonne année pour faire ça. Mais comme je te dis, là, ça va bien faire qu'il y ait un mélange de tout parce que il faut que les jeunes donnent un boost aux plus vieux puis vice versa. Fait que à pareille date l'année passée, on parlait de ton rôle de leader dans l'équipe. T'étais pas à l'aise. Est-ce que là, un an plus tard, est-ce que là tu commences à être plus à l'aise ou pas sur ce rôle-là? Je pense que ce rôle-là va être toujours un petit peu pas difficile, mais tu sais. Je sais pas si à un moment donné je vais l'accepter pleinement. C'est dans le sens que je pense pas un jour avoir 8 ans ou 10 ans de différence avec des filles qui vont arriver sur l'équipe. T'sais. Moi, je suis arrivée jeune sur l'équipe aussi, fait que ça fait en sorte que les gens pensent que je suis âgée, mais j'ai 25 ans. Fait que c'est juste que j'ai commencé tôt mon parcours puis je suis restée là. Fait que ça fait que j'ai de l'expérience, mais en même temps, j'ai seulement 25 ans. Fait que c'est pas non plus une grosse expérience que j'ai acquise non plus. Fait que j'aime dire, je comprends le rôle que j'ai, je comprends aussi le soulagement que certaines filles peuvent avoir, par exemple, quand je suis sur une glace. C'est sûr qu'il y a des choses que je sais bien faire, j'ose croire que je fais bien, il y a des choses que je fais moins bien aussi, mais je pense que les plus jeunes, puis celles-là qui ont besoin d'un réconfort, savent le trouver de leur façon, tu sais. Soit par juste un regard, comment je fais mes choses, comment je me prépare, comment mon sérieux sur la glace, l'investissement que je mets, les choix que je fais aussi par rapport à ma carrière. Fait que, tu sais, c'est beaucoup ça, puis je pense que les jeunes se nourrissent de ça. Tu sais, je suis pas la fille qui va le dire encore, puis je pense pas être capable de faire ça un jour, de faire telle affaire, de prendre telle décision. Je pense que ça vient de eux autres qui sont assez grandes pour prendre les décisions, puis je trouve que c'est pas ma job à moi de faire ça. Fait que je pense que je suis plus un leader un peu silencieux, tu sais. S'ils veulent des conseils, ils vont venir me voir, puis ça va me faire plaisir de les éclairer. C'est sûr que je ne les laisserai pas dans le trouble, là, c'est certain, mais je suis pas celle qui va prendre... Mais il y a différents leaders. Il y a le leader qui est dans une chambre de hockey, je m'excuse si je fais ce parallèle-là, mais pour bien expliquer. Et il y a le leader silencieux aussi. Je pense que c'est les deux silencieux-là que tu veux faire. Ben, Marianne, ça m'a fait un grand, grand plaisir de se renouer. Première compétition, c'est quand? Montréal, c'est en décembre, normalement. Le 30-31 octobre. Fait que c'est très, très bientôt. Fait qu'on va s'en reparler à ce moment-là. Marianne Saint-Gelais qui nous parlait de sa participation en fin de semaine aux qualifications canadiennes de courte piste. Merci, Dani.